Les gens me demandent d'où vient mon inspiration. Quand j'écris, c'est pas compliqué. Moi au micro, je raconte ma vie. Je peux pas me tromper parce que je sais bien ce que j'ai vécu. Dis-toi bien que je suis bien loin de tous ces clichés qu'on véhicule. Sur les jeunes, sur les gangs, sur cette génération gâchée. Je fais partie de ce combattant qui avale tous un marché. C'est simple, c'est marche ou crève, à chacun de choisir. J'suis tellement resté statique que j'ai bien failli moisir. Alors vas-y, ça m'a saoulé. J'ai plus de temps à gaspiller. Regardez cette petite vie que j'ai bâtie vaciller. Je veux un avenir classeux et pas la vie des pare-brises. Je veux couleur contraste et pas juste des teintes grises. Mon temps de gris, je l'ai tiré bien largement. Tout cet amour du rap fait pas monter mes émargements. Faut que je sorte, j'ai besoin d'air, faut que je fasse mieux. Faut que j'avance, pas le choix, puis toujours audacieux. Quand on me demande où je vais chercher tout ça, je réponds que mes couplets comme ma vie sentent le roussi. Quand on me demande pourquoi j'ai fait tout ça, je réponds que la vie est ainsi, car c'est passé comme ça. Quand on me demande où tu vas chercher tout ça, je réponds que mes couplets comme ma vie sentent le roussi. Si on me demande pourquoi t'as fait tout ça, je réponds que la vie est ainsi et que ça s'est passé comme ça. Quand on me demande pourquoi j'écris tous ces textes, je réponds que j'ai que ça pour parler de ta vie et de ses taxes. Intoxiqué par les odeurs de soufre qui souffrent sur ma vie. Avec mon style de rap, mon compte en banque est toujours aussi vide. On me demande pourquoi je suis avide d'un peu tout vivre. J'ai perdu trop de temps pour voir autre chose, il faut un peu s'ouvrir. Faut souffrir pour être belle, demande à mes chansons, elles savent. Pas au niveau, je les laisse tomber comme une veilleuse sur cette salle. On me demande d'être irréprochable, d'être un modèle. D'écrire des textes qui sentent bon dans un monde poubelle. Cette mélodie, c'est la plus belle, c'est elle qui me tient debout. Et c'est à elle que j'en décompte, quand d'un coup je pars en couille. Je fais mes trucs dans mon coin, que je sois côté ou boycotté. Ce qui compte, c'est faire des sons qui te marquent plus qu'un pur décolleté. Quand ils me demandent pourquoi j'ai aimé à la menthe, je leur dis j'avais pas le temps, fallait que je kick sur un bon son d'Elband. Quand on me demande où je vais chercher tout ça, je réponds que mes couplets comme ma vie sentent le roussi. Quand on me demande pourquoi j'ai fait tout ça, je réponds que la vie est ainsi, car c'est passé comme ça. Quand on me demande où tu vas chercher tout ça, je réponds que mes couplets comme ma vie sentent le roussi. Si on me demande pourquoi t'as fait tout ça, je réponds que la vie est ainsi et que ça s'est passé comme ça. On me demande d'expliquer quelles sont mes convictions. Moi cette vie je la baisse dans toutes les positions. C'est assez clair ou quoi? Je maintiens leur tête médusée. Je les entends déjà dire dans le zoo a encore abusé. Je suis épuisé, toujours répéter les mêmes choses. Je suis pas un gangster qui traîne zen sur Crenshaw, ok. Ton trichon en one shot, kiffe l'alcool en pare-choc. Accroché à mon bloc de shit, y'a plus rien qui me choque. Le peur à je l'aime comme une fille bien qu'on veut garder pour soi. Fini les rats d'un soir, je me lance là-dedans à 300%. Tour de passe-passe, son microphone, je me change en magicien. Technicien d'image verbale dans la pénombre. J'ai juste réagi quand l'avenir m'en met plein la tête. Ça pétait, pas la peine, bras cassés, rap en adèle. Apprendront-ils que je tiens le mic, on me retient sa teule. Expert en mise en place de textes et flots dévastateurs. Quand on me demande où je vais chercher tout ça, je réponds que mes couplets comme ma vie sentent le roussi. Quand on me demande pourquoi j'ai fait tout ça, je réponds que la vie est ainsi, car c'est passé comme ça. Quand on me demande où tu vas chercher tout ça, je réponds que mes couplets comme ma vie sentent le roussi. Si on me demande pourquoi t'as fait tout ça, je réponds que la vie est ainsi et que ça s'est passé comme ça.